طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نعتذر إليكم على التأخير المكرر. Tout d'abord, on commence ce cours en s'excusant pour les fréquents retards. ونشكركم الله والله يشهد أني شاكر لكم على صبركم علي سواء كان الإخوة أو الأخوات. Et Allah y témoigne que je vous remercie tout ce temps que vous êtes, les frères comme les sœurs, pour la patience dont vous faites preuve sur moi et sur mes retards consécutifs. Wallahu al-musta'an. Wa nasal Allah an yu'inana. Et vraiment, je demande à Allah Azza wa Jal qui m'assiste et qui m'aide pour que j'arrive à être plus constant et moins en retard. فإن بركة العلم الاستمرار والضبط fait partie des choses qui aident le talib al-ilm, le fait d'être constant, le fait d'être à l'heure, tout ça ça aide le talib al-ilm. ونحن والله إذا تأخرنا ليس عن قصد. Et par Allah, si je suis en retard, même si c'est fréquent, voilà, je vous assure, et Juan, que c'est pas volontaire. Au contraire, wallah, إذا قمت من النوم ما أفكر إلا في العلم وإذا نمت ما أفكر إلا في العلم فالعلم حياتي صراحة. Wallah, quand je me lève, je ne pense que à la science, que à mes cours. Et quand je m'endors, c'est la même chose. Cependant, comme vous savez, surtout dans ce genre de pays où l'occupation est l'occupation de la personne, c'est incroyable. Ça veut dire que je peux être occupé tantôt avec la famille, tantôt avec les enfants, tantôt avec les frères. Et moi, wallah, hein, depuis ce matin-là, min qabl al-fajr bi sa'a ma nimt. Depuis le Fajr jusque là, j'ai pas dormi. Ni 10 minutes, voilà. J'ai fait je sais pas combien de kilomètres là, peut-être je suis à 200 kilomètres juste aujourd'hui. Wallah. Fa ana yani, je dis ça, c'est pas pour me justifier, je devrais pas venir en retard, je le sais très bien, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre et pour apaiser le cœur de certains d'entre vous. Que c'est pas volontaire. Si j'arrive en retard, vraiment, je m'en excuse. Et c'est une khata. Et Inch'Allah, on demande à Allah Azza wa Jal qui nous aide afin que on soit à l'heure. Parce que je sais très bien que ça fait du tort au talib al-ilm. Ça fait du tort au talib al-ilm lorsqu'on n'est pas constant ou lorsque le prof n'est pas constant à une heure fixe. Ça fait du tort. Lakin, al-baraka min Allah. Cependant, on a ferme conviction que la bénédiction vient d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il est arrivé en retard, ou il s'est permis d'arriver en retard pour la prière de l'Asr, la prière du Asr, qui est la meilleure des prières. Pourquoi, ya ikhwan? Parce qu'il est resté à réconcilier entre deux personnes. Wa inni wallah, ma ta'akhartu an salat al-Asr, wa la an hadha ad-dars. Et moi, je jure par Allah que je ne suis pas arrivé en retard là aujourd'hui, ou je n'ai pas retardé ma prière du Asr aujourd'hui, si ce n'est pour réconcilier entre deux personnes. Et par le bienfait d'Allah Azza wa Jal, on a pu atteindre le but, c'est-à-dire de pouvoir accomplir la réconciliation entre deux personnes. Et ça, c'est des choses qui sont plus importantes à certains moments donnés, que même le fait de venir donner le cours. C'est pourquoi le prophète, alayhi salatu wasalam, il a retardé la prière, ou il est arrivé en retard de la prière pour réconcilier entre deux tribus. Pourquoi ? Parce que quand il y a du mal entre deux personnes ou entre deux tribus, ça peut engendrer du mal énorme. Ça peut détruire une famille, ça peut détruire plusieurs familles, ça peut détruire une communauté tout entière. Tamam ? Enfin, ça, c'était juste pour, encore une fois, m'excuser de ces fréquents retards. Et, Inch'Allah, nous bachirukum, anna sabrukum hada lan tadhab. Et on vous fait la bonne annonce que votre patience sur ce genre de comportement, ce genre de choses, ce n'est pas en vain. Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Car certes, Allah ne fait pas perdre les œuvres des gens qui excellent. Et ça fait partie de l'excellence, votre bon comportement et le fait d'attendre le mudarris jusqu'à ce qu'il arrive. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va prendre la mas'ala. Donc, Inch'Allah, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va prendre la mas'ala sur le talaq al-bid'i. Déjà, est-ce qu'on avait fini d'évoquer les différents types de talaq? On était arrivé au makruh. Alayhi sakadalik, le talaq qui est considéré comme makruhan. Quel est le talaq qui est considéré comme détestable, ya Khana Ali? Hein, on n'était pas arrivé jusqu'à là. طيب قال الشيخ زايد قال الشيخ زايد حفظه الله الحال الخامسة. Donc la cinquième situation, quand est-ce que le divorce devient détestable? يكون مكروها إذا وقع من غير سبب مع استقامة الحال. Il devient détestable, le talaq, il devient détestable si ماذا il se produit ou il résulte dans un couple où en vérité il n'y a que très peu de problèmes. Et l'affaire du couple en vérité elle est stable. قال الوزير ابن هبيرة اجمعوا على ان الطلاق في حالة استقامة الزوجين مكروه الا ابا حنيفة قال هو حرام مع استقام الحال. Et donc, Ibn Ubayra, il te dit que l'unanimité des savants, ils sont de l'avis que le divorce est détestable lorsque la situation du couple est stable. Lorsque la situation du couple est stable. Et qui vous dira, Juan, qu'est-ce que la stabilité dans un couple? Parce que beaucoup de personnes, ou beaucoup de, que ce soit de frères ou de sœurs, ils pensent que les hauts et les bas qu'il y a dans un couple, ça suscite ou ça implique directement le divorce. Non, les hauts et les bas, il y en a eu entre le prophète alayhi salatu wassalam et ses épouses. Ama sami'tum annahu qad hajarahunna shahran. Vous avez déjà entendu que le prophète alayhi salatu wassalam s'est éloigné de ses épouses durant un mois complet. Déjà, yani ça c'est une sentence qui est énorme. Sah wa la? Bon, ça montre que même dans le couple ou les couples, enfin le couple du prophète alayhi salatu wassalam, il y a eu ses hauts et ses bas. Donc personne ne s'imagine que le mariage c'est une rivière d'eau douce, yani, qu'il n'y a pas de problème. Lakin, quand les ulama ils parlent de istiqamat al-hal, c'est-à-dire que les époux ils sont dans une situation où ils peuvent s'arranger. C'est encore négociable. وفي الحقيقة كثير من الإخوة والأخوات لا يرون إلا ما زين لهم الشيطان. Et en vérité, bon nombre de frères ou bon nombre de sœurs dans les problèmes de couple, ils ne voient pas la partie négociable. Ils ne voient pas la partie négociable et Shaitan leur enjolive le divorce. Or, laissa kadalik. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Comme on l'a souvent répété, Yahwan, le mariage, c'est très facile. C'est très facile. Lakin, le fait de rester avec la même épouse pendant des années, 10 ans, sahel, quand certains parmi nous, ils ont atteint la barre des 10 ans. C'est un peu plus compliqué, mais on l'a vu. 20 ans, là, il y en a un peu moins. 30 ans, là, on en parle, on en connaît presque peu, peut-être chez Ahmed, Hadj Ahmed. Hein? Hadj Ahmed. Hadj Ahmed, excellent coudoyer, Wallah, Wallah. Annana nafrah bidawamati al-haya zawjiya. Wallah, ya Ikhwan. Ça, c'est des exemples pour nous. Et nos parents, pour la plupart d'entre eux, pour la plupart d'entre nous, combien de temps ils sont restés ensemble? 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ça, c'est le qudwa. Ah, mais que la personne, elle se marie, ça, c'est simple. Ça, c'est simple. Mais le fait de rester avec la personne, de patienter sur ses torts ou de patienter sur ses défauts réciproques, c'est-à-dire de la femme patiente sur son mari, le mari patiente, ça, c'est pas donné à tout le monde. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est donné qu'à ceux qui ont fait preuve de patience. Et ceux qui perçoivent cette chose-là ne sont qu'un très petit nombre. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi. La patience, ce n'est pas donné à tout le monde, et c'est un bienfait par lequel Allah subhanahu wa ta'ala il récompense. Donc là, on voit que le fait de divorcer lorsque le couple est stable, cela est déconseillé. Donc le asl, vous retenez bien que le asl, le asl, c'est que le nikah, le talaq plutôt, c'est makro. Donc la base, il faut retenir que le divorce, c'est détestable. Dès que le mot divorce il vient dans ton esprit, il faut que tu saches qu'à la base, c'est détestable. Après, il y a des moments où il devient obligatoire, il y a des moments où il devient recommandé, il y a des moments où il est simplement licite, il y a des moments où il est détestable. Ou il y a des moments où il est interdit, comme on l'a vu. Mais la base dans cette chose-là, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on reste en couple pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé le bienfait du mariage. C'est un bienfait, ikhwan. Wallah, wallah. Il y a des gens qui sont dans leur religion ferme parce qu'ils ont une femme. Wallah, s'ils n'auraient pas la femme là, tu les aurais vus chez Shari' ma'a Sukran. Tu les aurais peut-être trouvés dans la rue avec les alcooliques. Wallah. Thumma ba'den ni'mat al-awlad. Et après la femme, voici les bienfaits des enfants. Voilà que tout ça, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il te conditionne pour que tu sois un homme droit. Il te conditionne pour que tu sois un homme droit et que, en fait, tu n'es pas de possibilité d'aller vers la perversion. Tu n'es pas de possibilité d'aller vers le haram. Ou vice-versa. La femme aussi, pareil. Lorsque elle est mariée, elle est encore plus chaste. Elle est encore plus préservée et elle est épaulée d'un homme qui lui donne de bons conseils, d'un homme qui l'aide dans sa vie de tous les jours. Et lorsqu'elle a des enfants, là c'est là qu'elle passe à un autre stade, le stade de mère. Le stade de mère. Et qui vous dira, Yahwan, quel est le stade, le stade d'être une mère? Ça veut dire que pour la première fois de sa vie, cette femme-là, elle va devenir un exemple. Pour la première fois de sa vie, cette femme-là, elle va devenir le pilier central d'une famille. Une fois qu'elle devient mère. Ça y est, khalas, là on ne joue plus. Ça veut dire une fois que Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis dans cette condition-là, khalas, tu vois que la femme, elle se tient d'une manière, on ne peut plus droite. Donc tout ça, c'est des bienfaits d'Allah azza wa jalla qu'Allah il donne, qui fait descendre à ses serviteurs. Et c'est pourquoi le talaq, en vérité, c'est makruh. Al-asl. Fil asl, c'est que c'est détestable. Taïb, là, on va en venir à la question de bon nombre de frères. Et d'ailleurs, on fait remarquer que, parce que peut-être certaines sœurs, elles peuvent le prendre mal, que on interroge surtout les frères et qu'elles n'ont pas assez de possibilités ou de temps de parole. Tout d'abord, il faut savoir que le masalat talaq, le point sur le divorce, ça concerne qui, Yahya? Les hommes. Comme Al-Masail fait le Hir, comme les points sur qui concernent les menstrues, ça concerne plus les femmes. Fal talaq, du moment que le talaq, le divorce, il est dans les mains de l'homme, c'est normal qu'on écoute plus les hommes, enfin les frères qui ont des questions sur le sujet, afin que ça soit clair, que ça soit éclairci. Et parmi les questions qui reviennent souvent, est-ce que le talaq qu'on a qualifié de bid'i, le talaq qu'on a qualifié comme étant innové, est-ce que il est à prendre en considération ou pas? Qu'est-ce qu'il y a de lui là? C'est toi Zakaria? Il est à prendre en considération? T'as un dalil là? Lakin, Inch'Allah, on va voir la masala, Inch'Allah. Naam. Ouais, Yahwan. Le fait que les enfants aient participé à ce genre d'assises, Yahwan, c'est une baraka. C'est une baraka pour les parents, c'est une baraka pour l'enfant lui-même, c'est une baraka pour Mada, pour l'enfant lui-même. Naam. Pourquoi? Parce que les anges, comme on dit dans le hadith, ما من قوم يتلون كتاب الله أو ما من قوم يجلسون في مساجد الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة. Il n'y a pas un peuple qui se regroupe dans les mosquées d'Allah Azza wa Jal, dans les maisons d'Allah, sans que qu'ils lisent le livre d'Allah. Ou, c'est-à-dire, quand on dit le livre d'Allah, c'est tout ce qui est en relation avec le Coran et la Sunna, c'est-à-dire même ces cours-là, ça rentre dans le hadith. Tamam ? Qu'ils étudient le livre d'Allah sans que les anges ne les englobent de leurs ailes. Wa nazalat alayhim ar-rahma, et sans que la miséricorde ne descende sur eux. Ça veut dire que cette miséricorde-là, elle touche même les enfants présents. Qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas, c'est une miséricorde qui vient d'Allah Azza wa Jal. Ça peut se retrouver dans leur santé, ça peut se retrouver dans leur compréhension, ça peut se retrouver dans la guider. Il se peut que juste parce que tu es venu avec ton enfant cette nuit-là, ou ce soir-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il yaktub lahu al-hidayah. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit la hidayah. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de patienter sur nos enfants et de les ramener dès leur plus jeune âge à la mosquée? Bien sûr que ça vaut la peine. Et en plus, ya ikhwan, ça va avoir un effet positif sur l'enfant. Comme le fait de l'emmener au Hajj ou à la Amra. C'est des souvenirs qui restent ancrés dans la tête de l'enfant. Le fait qu'il était là dans les assises de science. Mais l'awwal, depuis son plus jeune âge, il était là dans les assises de science. Ça va lui rester. Ça va lui rester comme un gravage. Donc c'est très important de faire participer les enfants à ce genre d'assises. Et qu'Allah nous facilite et qu'il nous accorde la patience sur nos enfants. T'as vu ? Donc la mas'ala, طيب, mas'ala, إذا طلق امرأته حال حيضها أو في طهر أصابها فيه ولم يتبين حملها هل يقع طلاقه؟ أكثر أهل العلم على أن الطلاق يقع. Donc la plupart des savants, eux ils disent que si tu as divorcé ton épouse pendant qu'elle avait ses menstrues, ou pendant qu'elle était dans une période de tohr, dans une période purifiée, mais dans laquelle tu as eu un rapport avec elle, du moment qu'elle n'était pas enceinte, alors eux ils disent que même si ce divorce-là, c'est un divorce innové, c'est un divorce interdit, eux ils disent que ce divorce est comptabilisé. Ce divorce est comptabilisé. Donc ça veut dire que la personne a commis un péché sur lequel elle devra se repentir, mais le divorce est bel et bien comptabilisé. Non. قال أكثر أهل العلم على أن الطلاق يقع ويأثم الرجل على ذلك الطلاق حتى قال ابن المنذر وابن عبد البر لم يخالف ذلك إلا أهل البدع والضلال. Donc tellement le nombre des savants qui ont dit que ce divorce est bel et bien comptabilisé, tellement leur nombre est grand que certains salafs, certains pieux prédécesseurs, comme Ibn al-Mundhir, ainsi que Ibn Abd al-Barr, et ce sont deux imams qui rapportent souvent l'unanimité des savants. Par exemple, eux, ils viennent, ils te disent l'unanimité des savants dans tel et tel point de la jurisprudence. Donc eux, ils sont bien connaisseurs de l'unanimité des savants, des avis où les savants sont unanimes, en général. Donc eux, ces deux imams-là, Ibn Abd al-Barr et Ibn al-Mundhir, ils ont dit que personne n'a contredit cet avis. Personne n'a contredit cet avis, si ce n'est les gens de l'innovation et de l'égarement. Si ce n'est les gens de l'innovation et de l'égarement. ولعلهما عينا بذلك إبراهيم ابن علية وهشام ابن الحكم والشيعة. Donc Cheikh Ibn Hizam, il explique, et il dit, il se peut qu'ils aient visé par leurs paroles أهل البدع والضلال إبراهيم ابن علية وهشام ابن الحكم والشيعة. Et les Shia, parce que à leur époque il n'y avait que la parole se propager sur cette mas'ala. C'est-à-dire qu'ils voyaient que ce talaq n'est pas compté. Naam. Or, comme on va le voir, il y avait d'autres imams qui ont dit que ce divorce n'était pas compté. Mais on va le voir, Inch'Allah. Qala, wa istadallu ala dhalika bi hadithi ibn Umar, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam amarahu bi muraja'atiha. Wa bi qawl ibn Umar, رضي الله عنه أو رضي الله عنهما وحسبت علي بطلقة. Et donc eux ils s'appuient sur quoi, ceux qui disent que ce talaq il est bel et bien compté. Eux ils s'appuient sur quoi? Eux ils s'appuient sur madha, sur la parole de ou sur le hadith de Ibn Umar où le prophète alayhi salatu wassalam lui a ordonné de la récupérer. طيب, et aussi sur le fait que Ibn Umar il a dit et il m'a été compté comme divorce. Il a dit et il m'a été compté comme divorce. طيب. وأخرج ابن وهب في جامعه عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر وفيه مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وهي واحدة. Et il y a aussi, ils sont appuyés aussi sur un autre hadith de Abdullah ibn Umar où il dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ordonnez-lui, c'est-à-dire le prophète il parle de Abdullah ibn Umar. Il nous reste combien de temps, Yohan? 10 minutes. Il parle de Abdullah ibn Umar et il dit, ordonnez-lui de récupérer son épouse. Ensuite qu'il la garde jusqu'à ce qu'elle se purifie. Wahiya wahida. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, et cela sera comme une. Et cela sera considéré comme une. C'est-à-dire un divorce. Tamam. لكن يا إخوان قال الشيخ ابن حزام بعد ذلك يعني الشيخ ابن حزام il nous évoque que ce hadith là, bien que c'est un dalil fort, il est faible. Hein, je vous passe la recherche. Il est faible. وبين المعلم أن الدار قطني وغيره انتقدوا هذا الحديث. Donc ça c'est un hadith منتقد. Donc là le jumhur, qu'est-ce qu'il leur reste comme un hadith fort comme preuve? Le hadith d'Abdullah ibn Umar et la parole d'Abdullah ibn Umar que lorsqu'il dit on m'a compté une talqa, ça c'est ce qu'il y a de plus fort dans le filbab. Ça c'est vraiment le seul et unique dalil qui montre ou qui peut nous faire pencher vers la vie de la majorité des savants. طيب. واستدلوا على ذلك بأن ابن عمر كان يفتي بذلك كما في حديث الباب. نعم. المهم. Donc vous retenez que la vie la vie des de la majorité des savants, c'est que le talaq al-bid'i yaqa. C'est quoi le dalil qu'ils ont? Le hadith d'Abdallah ibn Umar. طيب, ensuite, قال وذهب ابن حزم وشيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني إلى عدم وقوع الطلاق. Ensuite, il te dit, Cheikh ibn Hizam, حفظه الله, comme quoi l'imam ibn Hazm, ainsi que Cheikh الإسلام, ou son élève, تلميذه البر, ibn al-Qayyim, ainsi que l'imam al-Shawkani, et tout cela, ces trois-là, là, même ibn Hazm. Il faut savoir que, ikhwan, ibn Hazm, Cheikh الإسلام, ibn al-Qayyim, al-Shawkani, quand ils parlent dans une mas'ala ilmiya, c'est incroyable. C'est-à-dire que même les savants, ils sont unanimes pour te dire que ces gens-là, a'tahum Allah al-jadal, ils ont une capacité de réfuter et ils ont une capacité de mada, ils sont convaincants. C'est-à-dire, toi, tu peux être sur un avis, wallah, si tu plonges sur la parole d'Ibn Hazm, ou si tu plonges sur l'analyse de Cheikh al-Islam et d'Ibn al-Qayyim ou de Shawkani, tu changes tout de suite d'avis. Qui c'est qui se rappelle d'une mas'ala qui était très très forte qu'on a vue? Et lorsqu'on est passé sur la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, khalas, on n'était plus si ferme que ça sur la mas'ala. Qui c'est qui se rappelle d'une mas'ala? Pas sur la polygamie. Sur la polygamie, c'est-à-dire? Quand la femme est en condition. Les conditions de mariage. Nous, on a dit quoi? On était sur l'avis de la plupart des savants, ou l'avis de Cheikh Mokbel ou d'autres. Comme quoi, les conditions de mariage. Les conditions de mariage, si la femme, elle met en condition qu'elle interdit à son mari de se remarier, c'est des conditions qui sont battées là. Le mari, même s'il a accepté, il peut mettre ses conditions derrière le dos. T'as mal? L'imam Ibn al-Qayyim, quand on a ramené sa parole, même si c'est pas l'avis qu'on a choisi, on est obligé de reconnaître que c'est vraiment très très pertinent et que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une force dans le kalam. C'est-à-dire qu'il est venu, il a dit quoi? Qui c'est qui se rappelle la parole de l'imam Ibn al-Qayyim dans cette masala? Il a dit si. Hein? Il avait dit que si on accepte la condition avec qu'on se remarie, voilà. C'est comme si on l'avait trompé parce que de base, elle se serait pas mariée. Naam. Parce que tout le monde est unanime sur le fait que parmi les conditions du mariage, il faut qu'il y ait l'agrément des deux prétendants. Vous êtes d'accord jusque-là? Taïb. Maintenant, si la femme, elle te conditionne cette condition-là, que toi, tu l'acceptes, mais que tu la mets derrière le dos. Lui, il te dit, l'imam al-Qayyim, il te dit, c'est comme si tu l'as mariée contre son gré. Puisque elle, à la base, elle t'a fait comprendre clairement que ça, elle ne veut pas, elle ne l'agrée pas. C'est-à-dire que tu te maries avec elle. Donc lui, il te dit, si tu acceptes, tu dis non, tu reviens après, c'est comme si tu l'avais mariée contre son gré. Pour cette raison-là, lui, il te dit que non, l'engagement qui a été pris à cette période-là, il doit être tenu. Non, mais c'est un avis qui est fort, c'est un avis qui est pertinent. Ça veut dire que à partir de là, quand on a entendu, quand on a lu cette parole-là, on a conseillé tout le monde de s'éloigner, en tout cas, de celui qui a donné sa parole, ou de s'éloigner de donner par la négative ce genre de répondre par la négative. Ou par le positif, d'accepter ce genre de conditions. Là. Pour celui qui sait de lui-même qu'il compte plus tard entrer dans ce genre de sujet. Donc on revient là sur le fait que, donc là, Cheikh al-Islam, pourquoi je précise ça? Pour que personne ait la mauvaise pensée de se dire « Ah, mais ça, c'est un avis d'égaré. » Ou « Ça, c'est un avis de gens qui suivent sa passion. » « Hacha wa kalla. Haoula kulluhum a'im. » Même Ibn Hazm, c'est un imam, même s'il a quelques erreurs fil aqidah, des grosses erreurs fil aqidah aussi. Lakin, Cheikh al-Islam, on ne l'appelle pas Cheikh al-Islam, si ce n'est que huwa imam fil wara', imam fil taqwa. Ça veut dire que lui, s'il te parle dans cette mas'ala, il ne te parle pas en suivant ses passions. Et encore moins lorsqu'il a appuyé son élève Ibn al-Qayyim. Et qui vous dira qui est Ibn al-Qayyim? Comme on l'appelle, on le surnomme le médecin des cœurs. Naam. Tout ça pour vous faire comprendre, Ibn que cette masala-là, c'est une masala où la divergence est forte. La divergence est forte. فَقَالُوا مِنْ أَدِلَّةِ الْقَوْمِ وَكَذَلَكَ الْإِمَامُ الشَّوْكَانِي. Il est connu, il est réputé aussi pour avoir du répondant. Et pour avoir lorsqu'il dit une parole, Par exemple, parmi les amsila que nos machères nous donnaient, ils disaient, si aujourd'hui tu te trouves en pleine nuit et que l'imam Shoukani va dire non, il fait jour, tu vas croire qu'il fait jour. Pour te faire comprendre, yani la quwa qu'Allah lui a donné. La quwa qu'Allah lui a donné fil balagh, fil kalam, fil fahm. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné à ces imams-là une compréhension incroyable et une force d'éloquence très très très forte. Naam. Qala tayyib. Donc ce sur quoi ils sont basés eux, ces imams, pour dire que le talaq al-bid'i ma yaqa. Wa istadallu 'ala dhalika bi riwayati Abi Zubayr al-muqaddama wa hiya riwayat munkara kama taqaddam. Donc eux déjà ils sont basés sur un hadith. Naam. Ils sont basés sur un hadith. Le hadith, il dit que le prophète alayhi salatu wassalam aurait dit à Ibn Omar, Laisa dhalika bishay. C'est-à-dire, à la fin du hadith, lorsqu'il lui dit de la récupérer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dit à Ibn Omar que ceci n'est rien d'autre. Ceci, laisa dhalika bishay, c'est-à-dire, ceci n'est pas pris en compte. Maintenant, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire, ceci n'est pas pris en compte? Est-ce que c'est le divorce? Est-ce qu'il a été comptabilisé ou non? En tout cas, ces savants-là, sur l'islam ou autre, ils ont pris ce dalil. Lakin, al-hadith ma hukmo, c'est un hadith da'if. C'est un hadith da'if. Munkara. Fa'inna Sheikh Saïd. Bon, al-muhim, je vous passe l'analyse du hadith parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais c'est un hadith que les savants du hadith ont jugé comme faible. Donc c'est pas la preuve la plus forte. Là qu'ils ont une preuve qui est forte et c'est la plus pertinente de leur qu'ils ont. C'est quoi? واستدلوا على ذلك بأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا يعتد بها. Et ils sont pris comme dalil aussi que Ibn Omar, et ça c'est venu d'une manière authentique. Où Ibn Omar il dit La yu'tad biha. Ibn Omar il dit au sujet de ce divorce qu'il a prononcé avec sa femme, il dit la yu'tad biha. Bon, là c'est venu l'heure du adhan. Inch'Allah, après la salat, on termine juste cette masala là ou on entalaq, Inch'Allah. Tamam. Waffaqakum Allah. Wa saddadakum. Inch'Allah, on va s'écouter, ya Cheikh Idriss. Donc on continue. On avait dit l'avis de la majorité des savants en ce qui concerne le talaq al-bid'i. Akhana Ali Barayan, le talaq al-bid'i. Yaqa' ou la yaqa' inda akthar ahli al-ilm. C'est quoi l'avis de la majorité des savants en ce qui concerne le divorce innové? Allah Ta'ala alam. Est-ce que je veux dire par là, est-ce que il est compté ou est-ce qu'il n'est pas compté? Il n'est pas compté, hein? C'est l'avis de la majorité des savants. Taïb. Est-ce que notre frère Chaoud pourrait nous expliquer quel est le divorce bid'i? À quel moment on dit que le divorce il est innové? Ah. Allahu a'lam. Tu t'aides de ton beau-frère, Inch'Allah. Ah, Mohamed. Voilà, c'est le fait de divorcer l'épouse lorsque elle se trouve dans une période de menstrues. Ou lorsqu'elle se trouve. C'est lorsqu'elle est sortie de cette période de menstrues et que l'individu a eu un rapport avec elle. à ce moment-là, le fait qu'il ait eu un rapport avec elle, ça, c'est formellement interdit pour lui de la divorcer dans cette, dans cette situation-là. On avait évoqué aussi une troisième, un troisième interdit dans le talaq. Ah, et Mohamed, nous, nous aimons que tu sois avec nous. Mohamed, tu es من الأولين يعني نحب نراك نشوفك ها on a dit ça voilà c'est pour celui qui est marié avec deux femmes celui qui est marié avec deux femmes il lui est formellement interdit de divorcer l'une d'entre elles avant que il lui ait accordé son jour avant qu'il lui ait accordé son jour ou la période qui qu'il a accordé à l'autre. Ça, ça fait partie de la justice. Donc là, on a dit, celui qui vient à divorcer son épouse durant sa période de menstrues, ou durant une période où il vient juste d'avoir un rapport avec elle, ça c'est formellement interdit. Et celui qui divorce son épouse alors qu'elle est enceinte, est Mohammed. Celui qui divorce son épouse alors qu'elle est enceinte, est-ce que ce divorce-là, il est considéré comme sunni ou comme bid'i? Hein? Là, c'est les enfants qui répondent alors que. Maïdron. Hein? Allah alam, hein? Taïb. Et toi, Mohamed? Sahib le baladi. Allah alam, hein? Hein, Ismaïl? Il est sunni. Naam. Le fait de divorcer l'épouse alors qu'elle est enceinte, c'est tout à fait permis par la législation. C'est tout à fait permis par la législation. Donc en gros, celui qui a prononcé un divorce qui est interdit. Là, la divergence sur laquelle on est, je répète parce qu'il y a des frères qui n'étaient pas là au début du dars, c'est est-ce que celui qui a dit ce divorce-là, son divorce, il est quand même compté? Ou bien, il n'est pas compté du moment que c'était un interdit? Tamam. L'avis de la majorité des savants, comme on l'a évoqué, c'est qu'il est bel et bien compté. Et il se base essentiellement sur la parole d'Ibn Umar lorsqu'il dit dans le hadith où le prophète sallam lui a ordonné de récupérer sa femme lorsqu'il l'a divorcée durant sa période de menstrues, le prophète lui a ordonné de la récupérer et à la fin du hadith il dit et cela m'a été compté comme une comme un divorce, cela m'a été compté comme un divorce. Tamam. Donc l'avis de la majorité se base surtout sur ce hadith. Taïb. De l'autre côté, on a qui est Juan qui contredit la majorité des savants. On a l'imam Ibn Hazm. On a qui encore y a fait? Les Shia. Les Shia. Les Shia. Les Shia. Les Shia. Les Shia. Les Shia. Les Shia. Les Shia. Voilà, eux, les Shia, nous, on prend même pas, on regarde même pas, on se tourne même pas vers leurs paroles parce que leurs paroles, elles sont vraiment dépourvues de toute preuve. Même si dans cette masala, peut-être, ils sont en conformité avec d'autres savants, nous, on cite que les savants qui sont à prendre en considération. Donc, on a dit Ibn Hazm, il fait partie de ces savants. On a dit qui? Ibn Taymiyyah. Et qui? Ibn al-Qayyim. Naam. Al-Shawkani. Naam. Et donc, moi, ce que j'essaie d'enseigner aux frères. À chaque fois qu'on arrive dans une divergence qui est forte, de faire comprendre aux gens, que lorsque il y a une divergence entre des montagnes, parce que ces savants-là, ce sont tous des montagnes. Qui peut se positionner devant l'imam Shawkani ou devant Cheikh al-Islam? Rubama, tu le vois, t'as des frissons juste le fait de le voir. Alors venir lui dire non, ce que tu dis c'est faux, le haq c'est comme ça, c'est encore plus baïd. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné le hujja. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné le hujja. Wakadhalik, le fait de contredire la majorité des savants. Tu t'imagines, tu te mets devant l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Akada, Akada, Akada, tu dis non, la vie, c'est pas cela, c'est pas celui-là. En fait, je vais vous faire comprendre que quand il y a une divergence comme ça, il ne faut pas la prendre à la légère. Il ne faut pas, c'est-à-dire, réfuter l'autre parole ou mépriser la vie contraire à celui que l'on suit. Mais cet avis-là, s'il est appuyé par des imams comme cela, c'est un avis, même si peut-être on ne voit pas cet avis-là, c'est quand même un avis qui peut rester pertinent. Donc eux, la preuve, les preuves sur lesquelles ils s'appuient sur un hadith où le prophète sallam a dit les sada les kabushay. Au sujet de la talqa d'Ibn Omar, il a dit ça, ce n'est rien du tout. Donc ce hadith là, comme on a dit, il est faible. Donc on ne peut pas se baser sur ce hadith pour dire que cette talqa là, elle ne compte pas. Ok, on y a un autre hadith, et celui-là par contre, il est authentique jusqu'à Ibn Omar. Que Ibn Omar a dit, la yu'taddu biha. La yu'taddu biha. La yu'taddu biha, on pourrait comprendre que ça veut dire, madame, cela ne doit pas être pris en, ou cette talqa ne doit être prise en considération. Tamam. كذلك صح مثل ذلك عن خلاص ابن عمرو. Et aussi, il y a une parole de خلاص ابن عمرو. Alors, j'ai pas eu le temps de faire la recherche aujourd'hui. Est-ce que c'est un compagnon ou est-ce que c'est un tabirin? Mais on dirait que c'est un compagnon qui dit قالوا هذا طلاق بدعة هذا طلاق بدعة فلا يصح فلا يصح لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فوارد. Donc il a dit que ils disent, ils supposent, enfin on suppose les savants de son époque de cette de Khalas ibn Amr, les savants, ça peut être des compagnons ou autres, qu'ils disent que le talaq qui est considéré comme innové, il n'est pas considéré, et ceci en vue du hadith Man amila amalan laysa alayhi amruna fa warad. Celui qui œuvre par une œuvre qui n'est pas conforme à notre ordre, alors cette œuvre-là se verra réfutée. Ya ikhwan. Tayyib. Au vu la haqiqa. Et en vérité, ce dalil-là, c'est le plus fort dalil. C'est le plus fort argument qu'ont Cheikh l'Islam, Ibn al-Qayyim, Shawkani ou Ibn Hazm pour dire que le talaq al-bid'i mayaqa. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si c'est une œuvre qui n'est pas selon notre conforme à notre ordre, est-ce que le talaq al-bid'i est conforme à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Là, il n'est pas conforme à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit dans le hadith? C'est réfuté, c'est non accepté, c'est caduque, c'est nul. Donc, sur l'islam, il se base sur ça pour dire non. Le talaq là, même s'il a été prononcé, khalas, il est réfuté. Taïb. Waqalu, an-nikah mutayaqin. Fala yazulu illa bi yaqini mithla. Wa kadhalik, hadi qa'ida. Ça aussi, c'est une règle parmi les règles de usul al-fiqh. Comme quoi? Mada? Ou le qawa'id al-fiqhiyya? Comme quoi? Le mariage là, le fait que tu es marié avant de dire le mot talaq pendant sa période de menstrue ou autre, avant de dire le, ça c'est une certitude. Vous êtes d'accord avec moi? Le fait que tu sois marié avec ton épouse avant de dire le talaq, c'est une certitude. On est d'accord? Taïb. Maintenant, le fait que tu divorces sur le fait à cause de est-ce que le talaq il est compté ou est-ce qu'il n'est pas compté, ça, c'est on va dire, il y a un doute quand même, il y a un ihtimal, il y a une probabilité que le divorce il soit compté, comme il y a une probabilité que le divorce ne soit pas compté, en fonction des deux hadiths. Donc, Cheikh l'Islam, il te ramène la qaïda qui te dit, cette qaïda qui est connue de tout un chacun parmi les savants, comme quoi, le yaqin, la yazulu bishak. La certitude dans une chose ne peut disparaître avec le doute. La certitude ne peut disparaître avec le doute. Aujourd'hui, par exemple, tu es sûr d'avoir fait les ablutions. En arrivant à la mosquée, tu as un doute. Est-ce que tu as perdu les ablutions ou pas? Là, qu'est-ce qu'on dit? El yaqin ou la yazulu bishak. Ta certitude, c'est que tu as fait les ablutions. Donc, on ne peut pas extirper ou expulser cette certitude par un doute. Donc là, on te dit, tu es en droit d'accomplir ta prière sans te tourner vers ton doute. Pareil, la Cheikh al-Islam, il t'explique, il te dit, le fait que tu es sûr d'être marié avec cette femme-là, et le fait que le divorce, ce soit une probabilité, hein, selon ses deux avis, ça reste, en fait, il te dit que on peut pas te dire que t'es pas divorcé, si ce n'est avec une certitude. Si ce n'est qu'avec une certitude. Or, si tu regardes ces deux avis ou tu regardes les preuves qui... Ça reste une probabilité tantôt pour cette parole-là, tantôt pour cette parole-là. Ça, c'est ce que Cheikh al-Islam, il a voulu dire. Ou c'est sur cette règle que Cheikh al-Islam s'appuie. Ensuite, قالوا وليس في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتسب عليه تلك الطلقة بل فيه أنها حسبت من طلاقه. Et aussi, parmi les choses sur lesquelles ils sont appuyés, ces gens de cette parole-là, sur le fait qu'il n'y a pas dans le hadith un moment donné où il est reconnu formellement ou explicitement que c'est le prophète qui a compté cette talqa. Abdallah ibn Omar, qu'est-ce qu'il dit? On m'a compté. Ou ce divorce m'a été compté. Ce divorce m'a été compté. Mais il n'a pas dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a compté cette talqa. Ondoro al-Jadal ya ikhwan. Vous avez vu la capacité qu'ils ont, ces imams, à réfuter les paroles. Pourtant, c'est là ils s'affrontent. Ils affrontent la majorité des savants. Mais regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné une pertinence dans leur parole et dans leur avis. Taïb, waqalu. Naam. Amma qawluhu falyuraji'aha falmaqsoud an yajtami'a kama kana qabla at-talaq. Et aussi, ils ont expliqué que le fait que le prophète, alayhi salatu wasalam, il ordonne à Abdullah ibn Umar de récupérer sa femme, ça ne veut pas dire que le talaq, il a été compté. Le prophète, alayhi salatu wasalam, il a juste dit récupère ta femme, c'est-à-dire reviens dans la situation dans laquelle tu étais avant d'avoir proféré cette parole. Ça veut dire qu'il faut qu'il attende toute, il faut qu'il attende une durée légale et la divorcer pour être sûr. Ouais, en fait, là, il faudrait que si la personne elle a divorcé son épouse dans en état de menstrue, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit récupérer son épouse. Ensuite, il doit attendre qu'elle sorte de cette période de menstrue dans laquelle il l'a divorcée. Puis, elle rentre dans une nouvelle période de menstrue. Et ensuite, quand elle sort de cette période de menstrue, sans qu'il l'approche au lit, c'est là qu'il lui est permis de la divorcer. Donc, voilà, ils ont expliqué cela aussi. وقد أطال ابن القيم في الدفاع عن هذا القول وأطال الحافظ ابن حجر في نصر القول الأول وهو الذي يظهر Donc Cheikh l'imam Cheikh Ibn Hizam, notre Cheikh, dans ce livre là, il t'explique, il te dit que Ibn al-Qayyim, il a évoqué énormément de choses pour secourir le deuxième avis. Et l'imam Ibn Hajar, al-Hafidh Ibn Hajar, il a évoqué, pareil dans Fath al-Bari, énormément de choses pour secourir le premier avis. Et pareil, l'imam Ibn Hajar, ya ikhwan, ajaban. Allah subhanahu wa ta'ala, en vérité, ya ikhwan, on ne se lassera jamais d'évoquer les ulémas. On ne se lassera jamais d'évoquer les ulémas. Comme Cheikh al-Islam, le Hafidh ibn Hajar, bien qu'il a des erreurs dans la Aqidah, ça reste un imam incontestable. Et lui, l'imam ibn Hajar, il a évoqué de très très pertinentes paroles pour secourir le fait que cette talqa, ce divorce-là, il est bel et bien compté. Tandis que l'imam ibn Qayyim, lui, il dit qu'il n'est pas compté. Et parmi les choses sur lesquelles sur l'imam Ibn al-Qayyim il s'est appuyé aussi, la qaïda, la fameuse règle qui vise à dire que ماذا التحريم ماذا يا موسى التحريم يقتضي ماذا التحريم يقتضي ماذا le fait que une chose qui est interdite, ça sous-entend quoi? C'est une règle, hein? que ça a été dit de manière autoritaire. Eh, bas, yani, une chose interdite, ça implique quoi? Un péché. Là. Hein? Une punition, bila chak? Laquelle? Et extradit le façade. Une chose qui est interdite, ça sous-entend qu'elle est caduque. Ça sous-entend qu'elle est caduque, comme le fait de vendre ou de faire un quelconque commerce ou de travailler alors que l'adhan de la prière du Jumu'ah a commencé. Comme vous le savez, quand l'adhan de la prière du Jumu'ah a commencé, il est formellement interdit de vendre quoi que ce soit, de commercer dans quoi que ce soit. Hein? Fadarul bay. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit laissez tout négoce. Laissez tout négoce. Donc celui qui est en train de vendre à ce moment-là, les savants ils disent comme c'est interdit qu'il vende, sa vente elle est batila. Sa vente elle est nulle, elle est caduque. Elle est batila. Tamam? Donc là, dans cette qaïda, avec cette qaïda là, ils ont dit pareil. L'interdit, il est interdit, formellement interdit à l'homme de divorcer son épouse dans cette situation, dans ces situations précédemment évoquées. Alors, cela sous-entend que son divorce là, il est perverti, il est irtadil fasad. Il est bâti, il est caduque. Non. Donc, donc ça, c'est l'adil là que l'imam al-Qayyim a évoqué. Et Cheikh Ibn Hizam, lui, il voit que l'avis le plus juste, c'est le premier avis, hein, quoi. L'avis le plus juste, c'est... ce n'est autre que le premier avis, comme quoi le divorce est bel et bien compté. Pourquoi, hein, quoi? Parce que... Awalan, les hadiths qui ont été rapportés de Ibn Omar, ainsi que de cet homme, Khalas ibn Amr. Toutes, elles ont une probabilité. Une probabilité autre que le sens compris direct, le sens qu'on compris chez l'islam ou autre. Non. Et comme vous le savez, il y a une autre règle qui dit, lorsque il y a une probabilité, le fait de s'accrocher à une preuve devient faible. Tu vois, lorsqu'il y a une probabilité contraire au sens premier, alors le fait de s'accrocher à la preuve s'affaiblit, s'amoindrit. Tamam? Donc là, Mada, est-ce qu'on a le temps d'expliquer? Bon, c'est un peu long. Al-Mohim, vous retenez que c'est le hadith où Abdallah ibn Umar il dit La yu'tad de bih. Certains ils l'ont expliqué comme étant, c'est-à-dire. Cette période de menstrue, n'est pas considérée. Certains, ils ont expliqué, ils ont dit que, en fait, ce qui n'est pas considéré dans la parole de Ibn Omar, ce n'est pas le divorce, mais c'est la période de menstrue dans laquelle il a récupéré. Comme quoi, cette période de menstrue, il faut oublier, il faut absolument qu'elle passe par une nouvelle période de menstrue. Vous avez vu, là, vous avez compris la réplique de Tamam. Naam. Donc, avec cette probabilité, le dalil, il devient, ou cette prise de dalil est moins évidente. Ensuite, parmi les choses que sur l'islam, Al-Hafidh ibn Hajar a évoqué, Mala, il dit aussi que si vous regardez le hadith, il a divorcé sa femme durant sa période de menstrue. Omar ibn Khattab, il est venu trouver le prophète, alayhi salatu wassalam. Omar ibn Khattab, il est venu trouver le prophète. Le prophète, il s'est énervé. Il s'est mis en colère. Donc on voit déjà que le fait de divorcer sa femme dans cette chose-là, ça peut être même considéré comme un grand péché chez certaines personnes, chez certains savants. Pourquoi? Parce que le grand péché, c'est tout ce qui met en colère Allah ou son messager, ou qui est visé par une malédiction ou un châtiment. Taïb. Donc le prophète s'est mis en colère. Quand il s'est mis en colère, il a dit quoi à Ibn Omar? Ordonnez-lui telle et telle chose. On est d'accord? L'imam le Hajar, et c'est super pertinent de sa part, Il dit, vous pensez que là, Ibn Omar, il ne fait que de subir les paroles du prophète, c'est-à-dire que d'acquiescer la directive du prophète, alayhi salatu wasalam. Vous pensez qu'il va venir de sa tête et dire, ouais, on m'a compté une talqa, sans que ça soit de l'avis du prophète, alayhi salatu wasalam. Tamam. Donc, ça, effectivement, c'est très pertinent. Là, kine, ikhwan, saraha, avec l'istikhara ou avec le fait de demander à Allah Azza wa Jal qui nous facilite de voir le haq. Et ça, c'est une chose toujours à faire. Lorsque tu as un avis ou tu as un khilaf entre les savants, il ne faut pas suivre les passions. Il ne faut pas aller dans la facilité. Non, mais on revient à Allah Azza wa Jal en lui demandant Allahumma, arina al-haqqa haqqa, warzuqana attiba'a. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلَ وَرْزُقَنَا اجْتِنَابَ. Oh Allah, montre-nous la vérité comme étant vérité et accorde-nous son suivi. Et montre-nous le mala et montre-nous le batil, le faux comme étant faux et accorde-nous son éloignement. فَصَرَحَا يَا إِخْوَانَ. Moi, mon avis, il s'est apaisé avec les paroles de Cheikh Al-Islam énormément en sachant l'importance qu'Allah accorde au divorce. Et que si on met en avant le fait que le talaq il serait compté, ça aura un effet sur la communauté qui est on ne peut plus néfaste. Bedel qu'on protège. Parce que le fait que ces périodes-là sont des périodes où le divorce est interdit, le divorce n'est pas compté. Bilachak, que ça va préserver des couples énormément, énormément. Et le fait de préserver prime, le fait de préserver wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, c'est un asl. Le fait de s'unir, le fait que l'homme et la femme soient unis, c'est un asl. Donc, avec Mada, en demandant à Allah Azza wa Jalla qu'on ne suive pas nos passions, Anna, hein, je vois la vie de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, comme quoi ce talaq, il n'est pas considéré. Et ce n'est pas l'avis que je suivais à la base. J'étais sur l'avis de mes mashayikhs, comme Cheikh Al-Albani, Cheikh Mokbel. Cheikh Al-Albani, Cheikh Mokbel, c'est les deux grands imams, avec, bien sûr, Cheikh Yahya et les mashayikhs de Dammaj. Eux, ils sont sur l'avis comme quoi le talaq, il compte. Tamam. لكن شيخ العثيمين والإمام السعدي والإمام ابن باز qui sont aussi des aïma, eux ils sont de l'avis comme quoi le talaq ماذا يا إخوان لا يقع, le talaq n'est pas compté. طيب, maintenant il y a une masala يا إخوان, il y a un truc, on termine sur ça, c'est le fait la personne elle a divorcé son, elle était sur l'avis numéro 1, hein, elle a le yaqin comme quoi le haq il est dans l'avis comme quoi يقع. Il divorce sa femme. Hein? Une fois qu'il commence à regretter, il dit non, en fait, j'étais sur l'avis numéro 2. Hein? Il dit non, en fait, le talaq, il est arrivé à 3 ou il est arrivé à. Il commence à inventer. Et il dit, ouais, oh, non, bon, en fait, il y a une khilaf, il mas'ala, arji'a. Hal yajouz hada ya ikhwan? Hal hada yu'amal binaqid et qasdeh. Celui-là, on doit œuvrer avec lui en annulant sa ruse. En allant sa ruse, on lui dit, ya akhi, afwan, lakin, toi t'as choisi délibérément le premier avis. Quand tu lui as donné cette talqa, t'étais sur le premier avis. Maintenant, quand tu viens, tu changes pour des raisons qui sont apparentes et qui montrent formellement que c'est par passion. Alors ça, fala. Alors ça, fala. Donc, madame, cette personne-là, on ne lui accordera pas le mandat, le bénéfice du doute. Hein? Cette personne-là, on ne lui accordera pas le bénéfice du doute et il ne sa prétention ne sera pas, ce qu'il prétend ne sera pas accepté. Mais, lakin, il y a encore une autre image là. C'est quelqu'un, il cherche le haq. par tous les moyens. Il était sur le premier avis. Taïb. Maintenant, lui, sans qu'il soit influencé par ses passions ou quoi, il voit, en étudiant, en approfondissant dans la masala, en demandant à Allah Azzawajal qu'il lui montre la vérité, lui, il voit que en vérité, non, l'avis le plus probable, c'est le deuxième avis, comme quoi le talaq ma'yaqa. Lui, madame, qu'est-ce qu'on dit, quoi? Lui, qu'est-ce qu'on dit? Lui, on lui dit, innama al-amalu bin-niyya. Certes, les œuvres ne valent qu'avec les intentions. Les œuvres ne valent qu'avec les intentions. Et s'il est sincère, s'il est sincère, et qu'il a vraiment cherché le haq, et qu'il y a toutes les preuves qui montrent qu'il n'a pas fait ça juste par passion, parce qu'il s'est dit qu'il allait perdre sa femme ou autre, non. Alors celui-là, rubbama lahu an yarji' fi fikri. Et comme je vous l'avais souvent évoqué, une parole de Cheikh Mada, de Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani, un jour, on lui a dit, « Oh imam, tu as dit telle et telle parole, tu as aftannas, tu as donné une fatwa à certaines personnes dans tel et tel sujet. » Cheikh Al-Albani dit quoi? Il dit « Jamais, impossible. Moi, ce n'est pas mon avis. » Moi, je vois le contraire. Ses élèves lui ont dit, si, Shir, tu as dit ça, tu l'as dit. Et lui, il réfute, il dit, non, j'ai jamais dit ça. Après, ils lui ont dit, mais Shir, si tu veux, on peut te ramener un audio. Il a dit, je ne vous croirai pas jusqu'à ce que vous viendrez avec ma voix qui dit la chose. Ils ont ramené l'audio. Tamam. Il a dit, subhanallah. La yazalu al-ulama lahum al-qawl wa al-qawlan fi al-mas'ala al-wahida. Il a dit subhanallah, les savants, en vérité, ils n'ont de cesse d'avoir sur un point plusieurs avis. Ils n'ont de cesse d'avoir sur un point plusieurs avis. Pour dire l'insan, il est surtout les avis de fiqh, surtout les avis qui concernent la jurisprudence. C'est pas comme la aqida, c'est qui, en général, les points de la aqida, ils sont à prendre d'une manière lazima. Tandis que dans le fiqh, c'est pas pareil. Une grande majorité des masaïl, elles sont dhanniya. Elles sont sur la probabilité et non sur l'exactitude. Tamam. Donc, à l'arrivée, Mada, celui qui change d'avis en ayant la face d'Allah Azza wa Jal, Inch'Allah, yurja annahu. Moussib, on espère pour lui qu'il sera sur la voie droite, et cela est le cheminement de bon nombre d'imams avant nous. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, Inch'Allah, cette masala, on l'a terminée, on l'a pris en résumé, Inch'Allah, parce que, comme je vous l'ai dit, on était en retard, et encore une fois, je m'excuse pour le retard. Et Mada.